2, 3. Je peux pas encore. Jouer encore une fois. Non, le bleu, c'est à moi. Elle peut pas mettre 6, non. Jouer encore une fois, Hélène. Le rouge, un. Mais au fait, elle en a que. Elle aurait pu encore en mettre un. Ah non, il était là au bout. Allez, à Odette. Un. Yvette, tu dégages. Alors, deux. Bah là-bas. Oui, là. Non, non, là, là, là, oui, c'est bon, là-bas. Alors, c'est à qui ? C'est à Hélène. Un. Ici. Trois. Et non, et vous pouviez mettre le jaune en vert, mais il n'avait pas couru longtemps. Six. Deux. D'abord. Six. Six. En course. Non, pas sur ça. Il tient pas sur la tête. Six. Elle ne peut pas. Non. On rejoue. Quatre. Je ne peux pas non plus. Non. Ah non, non, non. Faut pas sauter au pied de rien. Hein. Pas question. Deux. Soit là-bas. Oui, ici. Mais le bon. Un, deux. Mais tu veux rentrer parce que tu es à l'heure. Six. Six, cinq, quatre. Il n'y a pas de six sur le tableau noir. C'est celui-là. Cinq. Mais non, je ne peux pas le mettre. Allez, donc délicatement. Alors, attends deux minutes. 1, 2, 3, 4, l'autre aussi, je le mets en l'air. Non. 3, 4. 2, 3, 4. Allez, après. Je vais mettre 10. Je n'ai qu'un. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. 19. Je vais en mettre 4. Hélène. Non, c'est à vous. C'est à vous. Hélène a bien joué. Un. Il n'a même pas sur le timbre. Il faudrait. Au lit. Avec un petit. Deux. On va voir celui. Le 7. 6. Je ne peux même pas. Il faut mettre le 11. Le 11 et 9. Alors, 5. Là, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'aurais pu avancer à l'écurie. Un. Oh là, non, il y en a. Deux. Il est parti chez vous. Alors, cinq. Là. Non, je vais le mettre à l'écurie. À Hélène. Un. Non, je pioche. C'est là. Trois. Vous ne pouvez pas. Six. Tu mets ton poney. Deux. Trois. Zou. Eh bien, la gamme aussi. Ah, oui, à la prochaine. Cinq. Non. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Derrière. Deux. Un. Cinq. C'est pas. Trois. Tu n'as pas mangé en fait, Annie ? Moi, je l'ai. Ah, ah bah, c'est Jacqueline aussi. Ça va le 20. 22 mai, je crois. 22. C'est tout bon. Un. Ici, Hélène. Alors, 5, je ne peux pas. Hélène, elle ne bouge pas. 2. Ça va 3 semaines. 3 semaines sans le voir. Alors, 4. Ça va faire drôle. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 6, 9, 10, 15. 4, je ne peux pas. Et du terrain, j'ai fait 4. Au bout. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. Oh là là. 6. Non, non, on en met un en route. 3. 1, 2, 3. C'est un mois. À vous d'être offert un. 6. Ah, c'est pas mal non plus, c'est ça. Encore un 6. Oh là là, encore un, regarde bien. Quand travailler de la main gauche, ça va mieux. 3. Alors, 1, 2, 3. Ils sont durs, je viens aussi. Ah ouais, pioche pas, c'est pas la main. Ah non. Pourquoi tu pioches? Puisque t'as des points. 1. Ah ben, ça va aller. Le poulain n'est pas assez grand pour courir. 2. Celui-là, ou bien on met le rouge en l'air? Oh, c'est dommage. Oh, oh vraiment. Allez, bah, vous, d'être. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 6. Et 12. C'est à qui ce petit jaune là? Madame. Non. 2. 2. 2, 2, que j'ai déjà. C'est déjà rentré. C'est l'endroit le plus critique pour moi là. 2. 2. 3. Et mon autre 5. 1, 2, 3, derrière. 6. 8. Oh bah tant pis. J'allais le mettre à l'écurie, mais 3. 1. Oui, là. 6.